Ma femme, oui, c'est un ascenseur qui fait monter et descendre mon cœur. Je l'ai rencontré entre deux paliers, nous étions bloqués, nous nous sommes aimés. Et depuis ce jour, tous mes allers-retours, du premier au dernier, pour moi sont tous sacrés. Ma femme, oui, c'est un ascenseur qui fait monter et descendre mon cœur. J'aime les sensations, j'appuie sur un bouton pour le septième ciel et je m'émerveille. À tous les étages, un nouveau paysage, c'est le va-et-vient qui me met en train. Ma femme, oui, c'est un ascenseur qui fait monter et descendre mon cœur. De mon rez-de-chaussée, moi je l'ai appelé, mais il répondait toujours occupé. Depuis, mon moral est bien détraqué et je dois monter par les escaliers. Ma femme, oui, c'est un ascenseur qui fait monter et descendre mon cœur. Dans ma vie, il y a des hauts et des bas, des bas en haut, des bas en bas. Et voilà pourquoi c'est ma femme à moi, et je l'aime de haut en bas. Ma femme, oui, c'est un ascenseur qui fait monter et descendre mon cœur. Ma femme, oui, c'est un ascenseur qui fait monter et descendre mon cœur. C'est complet.